Ouais, tu vas bien? Ouais, vite fait. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Bah franchement, je crois que je suis perdu. Je sais pas trop quoi faire. Je crois que je vais me barrer. Ouais, moi c'est la même. Je sais pas, j'ai plus de certitude. Enfin, écoute. Je sais pas où j'en suis, ainsi paraît, c'est un tourment. J'ai des doutes et des envies et les deux qui se tourmentent. Je rêve de partir. Décrocher des sourires pour les accrocher aux miens. La porte est raide, donc le combat n'est que plus beau. Je rêve qu'on s'accepte comme on est, pas qu'on est tous égaux. J'avance là où mes pieds me traînent en gardant mes idéaux. Entre mes doutes et mes peines, y'a conscience qui guide mes pas. Je sais toujours pas où la vie mène, malgré la vingtaine. Mes doutes dans l'abdomen, je suis toujours au top départ, mais très loin de la ligne d'arrivée. Tel un MC qui sort des barres avec du mal à rimer. Je suis toujours seul dans ma tête, malgré mes potes autour. Donc je m'inquiète et m'inquiète, et tu me découvres. J'avance petit à petit en essayant de faire mon trou. Telle une taupe, je ferme les yeux car le bonheur est flou. Je me laisse porter, mais mon avenir à la dérive. Si la cote est élevée, la victoire sera terrible. Ne me parle pas des fêtes car c'est pas envisageable. Pas venu faire banquette, préparer la citronnade. Je me bats avec mes moyens, visant plus que la moyenne de ma vie. Je suis le doyen et l'espoir est mon domaine. Y'a rien d'éternel, même la poisse qui te touche, même la casse qui te couche et la classe qui te mouche. Je sais pas où j'en suis, ainsi paraît, c'est un tournant. J'ai des doutes et des envies et les deux qui se tournent. Je rêve de partir loin. Décrocher des sourires pour les accrocher aux miens. La porte est raide, donc le combat n'est que plus beau. Je rêve qu'on s'accepte comme on est, pas qu'on est tous égaux. J'avance là où mes pieds me traînent en gardant mes idéaux. Entre mes doutes et mes peines, y'a conscience qui guide mes pas. J'avance pas à pas malgré la peur de trébucher. Des doutes, je suis la proie quand j'ai la tête sur l'oreille. Difficile à cerner, à part quand je sors. Quand la fatigue s'est emparée des parties de mon corps, je vois pas trop d'issue à part le rap et le sport pour établir mes tissus qui se font passer pour mort. J'ai pas le temps de dire ouf à ce qui paraît, c'est la crise. Donc même à bout de souffle, je multiplierai les prises. J'ai trop d'orgueil pour réaliser certaines tâches. J'aime pas les grandes gueules, donc je peux pas coucher certaines tâches. Je réponds qu'à mes lois, appelle ça principe, code de l'honneur. Moi je m'en bats, je veux juste que les miens découvrent leur bonheur. J'ai appris qu'on était libre, surtout libre de faire comme tout le monde. Car si tu sors du rang, tu seras la risée de tout. Donc je continue à avancer sans savoir où je vais. Le principal est de participer en espérant que je vainque. Je sais pas où j'en suis, ainsi paraît, c'est un tourment. J'ai des doutes et des envies et les deux qui se tourmentent. Je rêve de partir loin. Décrocher des sourires pour les accrocher aux miens. La porte est raide, donc le combat n'est que plus beau. Je rêve qu'on s'accepte comme on est, pas qu'on est tous égaux. J'avance là où mes pieds me traînent en gardant mes idéaux. Entre mes doutes et mes peines, y'a conscience qui guide mes pas. Je me repose pas sur des lauriers, plutôt sur des clous. Ce qui m'oblige à me relever, à courir comme un fou. J'évite de parler à l'envers car je pourrais te duper. En effet, faut pas confondre le PMU et l'UMP. J'ai beaucoup d'envie, malheureusement trop d'attaches qui me poussent à rester ici, ne pas partir comme un lâche. Même si le large m'attire, je reste auprès des miens. Je veux pas leur visage en souvenir, mais leur serrer la main. Je profite de chaque instant car je ne sais pas où la vie mène. Je reste dans mon match et ça ira tant que la team mène. Je sais pas trop où j'en suis, mais y'a qu'une chose dont je suis sûr, c'est que l'instant présent c'est entre mon passé et mon futur. J'ai du mal à atteindre ma cible car je ne sais pas laquelle vie. Je fais en sorte de pas rester sur un banc, le cul vissé. Donc je poursuis mes études, toujours en quête d'un taf. Pendant que les MC en manque d'aptitude ne cherchent que le cash. Je sais pas où j'en suis, ainsi paraît, c'est un tourment. J'ai des doutes et des envies et les deux qui se tourmentent. Je rêve de partir loin. Décrocher des sourires pour les accrocher aux miens. La porte est raide, donc le combat n'est que plus beau. Je rêve qu'on s'accepte comme on est, pas qu'on est tous égaux. J'avance là où mes pieds me traînent en gardant mes idéaux. Entre mes doutes et mes peines, y'a conscience qui guide mes pas. Je sais pas où j'en suis, ainsi paraît, c'est un tourment. J'ai des doutes et des envies et les deux qui se tourmentent. Je rêve de partir loin. Décrocher des sourires pour les accrocher aux miens. La porte est raide, donc le combat n'est que plus beau. Je rêve qu'on s'accepte comme on est, pas qu'on est tous égaux. J'avance là où mes pieds me traînent en gardant mes idéaux. Entre mes doutes et mes peines, y'a conscience qui guide mes pas. Donc voilà, tu vois où j'en suis, c'est pas mieux que toi, je crois. Bah ouais, c'est sûr, c'est la même. Trop de questions, trop de doutes. Ah bon, je suis sûr, ça s'arrangera.